pas de préliminaire. Pour trouver ton corps, on prendra moins d'une heure. Là, je m'énerve, pas de déliminaire. Pas tête à tête, je suis comme Teddy Riner. Toi, tu m'étonnes, tu traites dans les coms, on sait que tu te comme moi, je bois du Riner. Pour me détendre, je fume illégal et j'enfile les gants pour baiser des mères. Oups, hein, en Panamera. C'est dans le profil qu'on t'emmènera. Olympia Zénith, on s'en rappellera. Je vais faire du rap et faire bouger les reins. Toujours dans les tentants, des petits, des grands troncs. Faut pas te rentrant, je les ai épinés. Je fais du ça, c'est tentant. On débarque pampan, ils repartent en rampant, éliminés. Bana bana, on n'est pas des bana bana. Bana bana, on n'est pas des bana bana. Bana bana, on n'est pas des bana bana. Bana bana, on n'est pas des bana bana. Bientôt je foutrai le camp, j'oublie pas le gang et tous ceux qui m'aiment. Pas de petits, pas de grands, je me parais normal, on allume l'hume. Plus que deux balles dans la poche, on vise le coche, on allume l'hume. C'est vrai que j'ai perdu du temps, fait couler le sang, j'suis de mauvaise humeur. Bana bana, veulent nous mettre la banane. La vie t'a fait danser la calage, nous on danse que sur le bruit des bécanes. Bana bana, veulent nous mettre la banane. La guitare fait danser la calage, nous on danse que sur le bruit des bécanes. Bon, on parle pas d'âge, moi Ibrahimovic, Mbappé sur le terrain, je me déplace. On plane un bâtard, on abat les novices. C'est beauté quand j'opère, elle vient pas nous bassiner les oreilles. Je viendrai pas sans récupérer les euros, j'aurais du panache. Ma guitare en calage, les bécanes font les régimes d'une balade. Balance moula harab, on n'est pas là par hasard. Mes volos sur Panama me ralasse, pas de retard dans le balade. Je suis malade, je débarrasse mes peines. La police, c'est pas la peine. Ça rafale le foot et les camps. C'est vrai qu'on a perdu du temps. Tout le temps du foutoir à la gomme. Et syntaxe une comète pour tous ceux qui s'aiment. Pas de petits, pas de grands. Préparez les masques, on a les mentales. Plus d'une rime dans la pocket, mon bise à l'approche. On allume l'hymne. C'est réel, j'ai perdu des hommes. J'évite pas les ennuis, j'ai de mauvais augure. C'est réel, j'ai perdu des hommes. J'évite pas les ennuis, j'ai de mauvais augure. Bientôt je foutrai le camp. J'oublie pas le bang et tous ceux qui m'aiment. Pas de petits, pas de grands.